Annonce 5. Votre attention, s'il vous plaît. Les parents de la petite Zora sont priés de venir la chercher à l'accueil. Je répète, les parents de la petite Zora sont priés de venir la chercher à l'accueil. Merci.